suis désolé, ça se décale. Pourquoi ça se décale, tu vois? Pourtant, je suis à 80, je suis synchronisé. Attends. Je sais pourquoi.